Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 62. De la grâce sacramentelle. Les sacrements sont la cause instrumentale de la grâce, ce qu'ils ajoutent aux vertus et aux dons, comment ils contiennent la grâce, d'où ils tirent leur efficacité, de ceux de l'ancienne loi. 1. Les sacrements de la nouvelle loi sont-ils la cause de la grâce? L'apôtre disait, « Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. » Galates 3:27. On ne devient membre du Christ que par la grâce. Donc le baptême produit la grâce. Il en est de même des autres sacrements. Quelques auteurs ont prétendu que les sacrements de la nouvelle loi ne sont pas la cause de la grâce par voie d'opération, et que Dieu, quand on les confère, la produit directement dans l'âme. Il suivrait de là qu'ils ne sont rien autre chose que des signes, et cependant on peut démontrer, par les saints pères, qu'ils ne signifient pas seulement la grâce, mais qu'ils en sont, nous ne dirons pas la cause principale, c'est le propre de Dieu, mais la cause instrumentale, car ils sont conférés aux hommes d'après l'institution divine pour leur communiquer la grâce, et c'est dans ce sens que saint Paul disait, « Dieu nous a sauvés par le baptême. » Tite 3:5. Note. Les sacrements de la nouvelle loi, à la fois cause et signe, produit ce qu'il figure. L'eau baptismale purifie l'âme, comme instrument de la vertu divine. Fin de la note. 2. La grâce des sacrements ajoute-t-elle quelque chose aux vertus et aux dons? Si la grâce sacramentelle n'ajoutait rien à la grâce habituelle des vertus et des dons, on administrerait vainement les sacrements à ceux qui possèdent les dons et les vertus, et cependant rien n'est inutile dans les œuvres de Dieu. Les vertus et les dons perfectionnent les puissances de notre âme, pour leur faire produire leurs actes. La grâce sacramentelle, nécessaire à la vie chrétienne, y ajoute un secours divin, par lequel on obtient l'effet spécial assigné à chaque sacrement. Celle du baptême, par exemple, produit la régénération spirituelle qui fait mourir l'homme au vice et le rend membre du Christ, ce qui est quelque chose de spécial et de supérieur aux actes des puissances de l'âme. Il en est ainsi pour les autres sacrements. 3. Les sacrements de la loi nouvelle renferment-ils la grâce? Ils la renferment, comme toute cause instrumentale contient son effet, c'est-à-dire transitoirement. Note. La grâce n'est pas dans un sacrement comme dans un vase, à moins que l'on appelle de ce nom ce qui sert à faire une chose, acception dans laquelle Ézéchiel 9:1 disait, « Chacun tient dans sa main un vase de mort. » Fin de la note. 4. Les sacrements ont-ils une vertu qui cause la grâce? Bède a très bien dit, notre Seigneur a conféré à l'eau une vertu régénératrice. Si les sacrements ne produisaient la grâce que par une sorte de concomitance, nous dirions qu'ils n'ont en eux aucune vertu qui concourt par une opération réelle à produire leur effet, et que ce qui le produit, c'est uniquement la vertu divine dont ils sont accompagnés. Mais, comme ils sont les causes instrumentales de la grâce, nous devons reconnaître que, dans la production de l'effet sacramentel, ils ont une vertu qui produit la grâce, à la façon, toutefois, d'un instrument qui n'opère que sous l'impulsion d'un agent principal. Note. Un corps peut recevoir d'une substance spirituelle l'impulsion nécessaire pour produire instrumentellement un effet spirituel. La parole humaine, toute sensible qu'elle est, ne reçoit-elle pas de notre esprit une force spirituelle, qui parfois réveille l'intelligence d'un autre homme. C'est ainsi que les sacrements destinés par Dieu à produire un effet spirituel possèdent une vertu spirituelle qu'ils tirent de la bénédiction de Jésus-Christ et de l'application que le ministre en fait à celui qui les reçoit. Cette vertu est renfermée dans la matière et dans les paroles qui les composent en devenant comme un instrument unique. Fin de la note. 5. Les sacrements de la nouvelle loi tirent-ils leur vertu de la passion du Christ? Puisque les sacrements produisent la grâce à la manière d'un instrument, il importe de remarquer qu'il y a deux sortes d'instruments, l'un est séparé de l'agent. Par exemple, le bâton dont il se sert, l'autre lui est uni, comme la main. Ce dernier fait mouvoir l'instrument séparé, avec la main on meut le bâton. Il en est ainsi dans les sacrements. Dieu y est la principale cause de la grâce, l'humanité du Christ, l'instrument uni, les sacrements, les instruments séparés. La grâce qui nous sauve découle donc de la divinité du Christ dans les sacrements par le moyen de son humanité. Cela dit, il faut observer que la grâce sacramentelle est destinée non seulement à nous guérir des maux du péché, mais à nous donner la perfection nécessaire à la vie chrétienne pour le culte de Dieu. Or le Christ nous a délivrés de nos péchés principalement par sa passion, et c'est par elle aussi qu'il a accompli le premier acte de la religion, qui est le sacrifice, en s'offrant lui-même à Dieu comme une oblation et comme une victime. Il est manifeste par là que les sacrements de l'Église tirent leur vertu de sa passion même, dont ils nous font l'application. Ce fut en signe de cette vérité que, du côté ouvert du Christ attaché à la croix, il coula du sang et de l'eau, car l'eau sert dans le baptême, le sang appartient à l'Eucharistie, et ce sont là les deux sacrements principaux. 6. Les sacrements de l'ancienne loi produisaient-ils la grâce? Si les sacrements de l'ancienne loi avaient produit la grâce de la justification par leur vertu propre, la passion de Jésus-Christ n'aurait pas été nécessaire. L'apôtre le fait observer, si la justice vient de la loi, Jésus-Christ est mort inutilement. Galates 2, 21. En vain l'on prétendrait qu'il tirait de la passion même la vertu de conférer la grâce justifiante. Il n'en était pas deux comme de la foi. L'application de la passion par la foi s'accomplit au moyen d'un acte intérieur de l'âme, au lieu que celle qui est faite par les sacrements résulte de l'usage des choses extérieures. On conçoit très bien que ce qui est postérieur quant au temps, est cependant antérieur dans l'acte de l'âme, puisse mouvoir avant d'exister, la fin fait mouvoir l'agent qui la perçoit et la désire. Mais ce que l'on ne conçoit pas, c'est que ce qui n'a point d'existence réelle produise des effets extérieurs. La cause efficiente, en un mot, diffère de la cause finale, elle n'est jamais postérieure à son effet. Cela nous explique pourquoi la grâce justifiante découle très convenablement de la passion du Christ dans les sacrements de la nouvelle loi, tandis qu'il n'en pouvait être ainsi pour ceux de l'ancienne loi. Les anciens patriarches étaient justifiés, comme nous le sommes nous-mêmes, par la foi à la passion. Leur sacrement était une profession de cette foi, ils ne produisaient pas par eux-mêmes la grâce de la justification. Note. Nos pères de l'Antiquité avaient la foi en la passion future du Christ, qui, leur étant appliquée par les simples désirs de leur âme, les justifiait. Pour nous, nous avons la foi en la passion du Christ, qui, depuis son accomplissement, peut de plus nous justifier par l'usage réel des sacrements. La circoncision elle-même n'était autrefois que le signe de la foi à la passion du Christ, et c'était par la foi qu'elle justifiait, saint Paul nous le déclare en ces termes. Abraham reçut la circoncision comme une marque de la justification qui lui venait de sa foi. Romains 4, 11. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.